Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Les uniformes scolaires ont augmenté de prix sur le marché, passant du simple au double, comme a pu le constater notre reporter. Les parents d'élèves se résignent à n'en acheter qu'une paire, même s'il en faut plus, ou abandonnent carrément. Reportage à suivre. Emilienne Sibomana accroupie toujours en prison malgré son acquittement par la cour d'appel de Gitega. Sa défense y voit une violation flagrante des dispositions du code de procédure pénale et sa famille réclame sa libération. Quand les échanges linguistiques profitent à leurs locuteurs, des Somaliens, des militaires burundais en mission de maintien de la paix dans la corne de l'Afrique le savent mieux que quiconque. Un Burundais interprète le Somali alors qu'un Somalien interprète le Kirundi. Chacun en faveur de ses compatriotes. Omer Ndouayo vient de séjourner en Somalie. Il viendra nous en parler. Et dans le reste de l'actualité internationale, 100 000 doses de vaccins contre la variole du singe sont arrivées ce jeudi en République démocratique du Congo. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Certains citadins dénoncent des emprisonnements arbitraires, estimant que la loi en matière d'arrestation et d'emprisonnement devrait être observée. Ils demandent ainsi à l'État de suivre de près les auteurs de tels actes, puisque les familles et l'État lui-même perdent lorsque ces personnes croupissent dans des prisons sans être signifiées du motif de leur arrestation. Suivez ce micro-baladeur. Amategeko ariho kugira ngo atunganirize bose ariko ugerageje kuraba hariho byukuri abakungwa bidakurikije amategeko aho muco gihe rero umuntu yari pour tous mais dans la pratique on voit des gens qui sont emprisonnés en violation de la loi. Dans ce cas il y a des conséquences sur le plan individuel, familial et dans le voisinage. Il y en a qui sont emprisonnés sans avoir eu de convocation, sans être au courant du motif d'arrestation. La famille ignore ce motif. Tu peux même passé des années alors que tu n'as jamais comparu devant le tribunal. Qu'est-ce qui en charge de la justice vérifie réellement que la procédure d'arrestation et l'accusation correspondent vraiment au motif avancé? Si ce n'est pas le cas, qu'il soit relâché, puisqu'il y a des sanctions pour des personnes coupables et s'il est acquitté, y a-t-il un dédommagement? Qu'on lutte contre ces emprisonnements arbitraires parce que cela fait régresser le pays. Que l'État y mette plus de force, surtout ceux de la justice, que réellement la pratique des magistrats soit conforme à la loi. Sinon, procéder à leur remplacement. Ces faits existent. Que les magistrats observent la loi et lisent le droit avant son emprisonnement. Il faut lui faire connaître le motif d'arrestation. Si la personne n'a pas répondu aux convocations, qu'on l'arrête, mais de façon humaine, et qu'il soit traduit devant la justice de façon légale. Imbere yuko aja gufungwa bikeneye ko afungwa agafungwa mugabo azi neza ico azira bakurikije amategeko. C'était le micro baladeur de la rédaction. La famille de Madame Emilienne Sibomana, dernièrement acquittée par la cour d'appel de Gitega mais qui restait toujours derrière les barreaux, réclame sa libération. Sa défense indique que le fait que le ministère public ait interjeté appel ne justifie pas son maintien en prison, tel que le stipulent les articles 262 ou l'alinéa 6 de l'article 326 du Code de procédure pénale burundais. En effet, l'appel n'a pas d'effet suspensif en cas de jugement d'acquittement. Emilienne Sibomana est poursuivie en justice pour avoir accusé le directeur du lycée technique Christ Roi de Mushasha à Gitega de coucher avec ses élèves filles. Gérard Nibigira. Les enfants et le conjoint de Madame Emilienne Sibomana, de même que ses connaissances, demandent qu'elle soit mise à liberté du moment qu'elle a été acquittée par la cour d'appel de Gitega. Emilienne Sibomana était secrétaire au lycée technique Christ Roi de Mushasha de Gitega. Elle est poursuivie par la justice pour avoir accusé le directeur de cet établissement de courtiser et coucher avec ses élèves filles. Un des avocats d'Emilienne Sibomana, Maître maître Michel Anionizigie dit que la cour d'appel a prononcé son jugement le 28 juin 2024, mais Emilienne Sibomana a été informée de ce jugement le 10 juillet 2024. Et le 12 juillet de la même année, le ministère public a interjeté appel à la Cour suprême faisant pourvoi en cassation. Pour maître Michel Anionizigie, il n'y a aucune raison de maintenir son client en prison et se base sur l'article 262 et l'article 326 alinéa 6 du Code de procédure pénale burundais qui stipule que le prévenu qui, au moment du jugement, est en état de détention préventive et qui est acquitté ou condamné à une simple amende est mis immédiatement en liberté nonobstant appel à moins qu'il soit détenu pour une autre cause. De son côté, le représentant de l'Association de défense des droits de l'homme, Izerenui Hebure Agitega Il Défense Misago, trouve que le maintien en prison d'Emilienne Sibomana, motivé par le fait que le ministère public a interjeté appel, est normal, mais il prône pour la rapidité dans le traitement de ce dossier. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour Radio Isanganiro. Le complexe scolaire Cheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, une école privée, continuera de fonctionner l'année prochaine, cette fois-ci sous l'appellation de lycée communal au lieu de complexe scolaire. Cette déclaration est d'Anissé Nyandoui, directeur provincial de l'éducation de Rumonge ce jeudi, lors de la remise et reprise à la direction de cette école. Il s'agit là d'une réponse aux inquiétudes des parents d'élèves sur l'avenir de cet établissement scolaire. Après l'annonce de la Fondation Al Maktoum, initiatrice de cette école, que cette dernière passe désormais dans les mains du ministère ayant l'éducation nationale dans ses attributions. Jean-Pierre Misago. Après une remise et reprise et une visite guidée des infrastructures et des équipements de cette école, Anissé Nyandoui, directeur provincial de l'éducation de Rumonge, a rencontré les personnels présents au menu. La transmission du message du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, précisant que cette école, au départ complexe scolaire privé, continue de fonctionner, mais sous l'appellation lycée communal, puisqu'elle est désormais publique. Par ailleurs, poursuit Anissé Nyandoui, le gouvernement burundais accepte de maintenir les personnels qui le souhaitent à leur poste d'attache et veut que cette école soit à régime d'internat dès l'année scolaire suivante. Pour lui, les parents des 248 élèves qu'il a fréquentés sans payer le minerval avec des uniformes gratuits et véhiculés gratuitement par bus pour ceux qui habitent loin n'ont pas à s'inquiéter outre mesure car l'école est bel et bien fonctionnelle. Même si la fondation Al Maktoum des Arabes originaires des Émirats Arabes Unis n'en est plus le gestionnaire. Au personnel de cette école qui se sont fait inscrire pour prester dans le public, Amourani Adyarimana, nouveau directeur de cette école, les appelle à continuer sur la même lancée ou même redoubler d'efforts pour maintenir au haut niveau la qualité de l'enseignement à cette école. Alors qu'une personne se réclamant propriétaire de 5 hectares où est érigée cette école trouve que celle-ci ne pouvait pas être cédée au gouvernement burundais sans qu'il soit préalablement récompensé comme convenu entre lui et la fondation Al Maktoum, le directeur provincial de l'éducation de Rumonge dit ignorer les correspondances réclamant cette propriété et par conséquent se refuse de tout commentaire à ce sujet. Jean-Pierre Misago, depuis Gatete, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Le prix des uniformes scolaires a doublé comparativement à l'an dernier, puisqu'un mètre de tissu qui s'achetait à 8 500 francs coûte aujourd'hui entre 15 000 et 17 000 francs burundais. Les vendeurs de ces uniformes indiquent que cette hausse est consécutive à la montée du taux de change des devises. Dans ces conditions, les parents d'élèves se voient obligés d'abandonner ou d'acheter une seule paire au lieu de deux. Reportage d'Ornella Mocho. Et pour l'année passée, nous achetions une paire d'uniformes pour 12 500 francs. Mais maintenant, ça a augmenté. C'est-à-dire qu'une paire, ça coûte Dans différents points de vente des uniformes scolaires comme tout près de l'ex-marché central au centre-ville de Bujumbura, des parents se lamentent que le prix des uniformes kaki, comme les uniformes de différentes couleurs des écoles privées, est en hausse comparativement à l'an dernier, passant de 12 500 à 30 000 francs bout. Ces parents qui se préparent pour la rentrée scolaire de leurs enfants préfèrent laisser ou acheter difficilement une seule paire d'uniformes. Les prix sont beaucoup plus chers que l'année passée. Pour l'année passée, nous achetions une paire d'uniformes pour 12 500 francs. Mais maintenant, ça a augmenté. C'est-à-dire qu'une paire, ça coûte 30 000. De leur côté, les commerçants expliquent que la hausse de ces prix est due à la hausse de cours de change des devises. La hausse des prix sur le marché des uniformes, ça a été causé par la montée des prix sur les tissus. Et par exemple, un mètre qui coûtait à 8 500 l'année passée, maintenant nous l'achetons à 17 000, l'autre à 15 000. Les prix des autres produits scolaires comme les cartables et cahiers ont aussi grimpé. Un cahier de 100 feuilles a connu une hausse de 800 à 1000 francs bout. Ornella Mucho, éducation toujours, mais cette fois-ci à l'enseignement supérieur. Le manque de matériel didactique et l'insuffisance des enseignants sont certains défis auxquels fait face l'Institut d'éducation physique et des sports IEPS à l'Université du Burundi. Lors de la clôture des activités du 50e anniversaire de cet institut ce vendredi, le doyen de l'IEPS, Adrien Gayimbecha, a indiqué qu'il compte dispenser les enseignements en ligne dans le but de promouvoir cette faculté. Suivez-le. Nous sommes en train de clôturer la célébration de notre anniversaire de 50 ans d'existence de notre Institut d'éducation physique et des sports IEPS. Eh bien, ça a été un très beau moment de faire un regard en arrière. Regardez là où nous sommes partis, à quand notre institut est né, quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées, quelles sont les réalisations et quelle est la projection dans l'avenir, quels sont les objectifs de l'avenir. Ça, c'est la mission que nous avons accomplie durant toute cette année de célébration de notre jubilé d'or. Nous nous sommes évalués, nous savons ce que nous avons, là où nous avons réussi et là où nous n'avons pas pu réussir. Et nous nous projetons dans l'avenir. D'ici 25 ans, quels sont les objectifs? D'ici 100 ans, quels sont les objectifs? Et quels sont les défis? Les principaux défis sont liés au personnel enseignant. Eh bien, le personnel enseignant n'est pas assez suffisant. Du coup, nous avons des difficultés à assurer les enseignements. Mais quand cela nous tient, eh bien, nous faisons recours à un recrutement des enseignants à temps partiel pour nous aider à enseigner. Et nous le faisons tant bien que très bien. Mais c'est un défi, ce sont des difficultés. Ces gens-là sont difficilement contrôlables. Ce qui fait que des fois, nous connaissons des retards dans les enseignements. Il y a un autre facteur de défi, eh bien, c'est en rapport avec le matériel didactique que nous utilisons. Les ballons, eh bien, les ordinateurs. Pour le moment, l'enseignement est dynamique. Nous devons évoluer avec le temps. Eh bien, nous sommes appelés à enseigner même en ligne. Et c'est son matériel de nouvelles technologies qui fait défaut. Quoi faire pour promouvoir ce secteur du sport ici au Burundi? Pour promouvoir ce secteur du sport au Burundi, eh bien, il faut essayer de résoudre ces défis-là que je viens d'énumérer. Nous donner les enseignants un nombre suffisant. Adrien Gayimbecha, c'est le doyen de l'Institut d'éducation physique et des sports IEPS à l'Université du Burundi, dont les propos ont été recueillis par Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. L'apprentissage de différentes langues aide les Burundais à accomplir des missions dans différents coins du monde. Propos d'Alexandre Ndimurguango en mission de maintien de la paix en Somalie. Il a appris le somali et fait aujourd'hui l'interprète entre la population somalienne et les militaires burundais en cette mission. D'autre part, Hussein Mohamed, un somalien ayant appris le kirundi, fait l'interprète entre les militaires burundais et les somaliens. Ils se sont confiés à notre reporter Omer Ndouayo, qui les a rencontrés pour nous. Reportage. Caporal chef Alexandre Ndimugwanko, soldat burundais en mission de maintien de la paix en Somalie, né à Gatare, en zone Kivyuka, de la commune Musigati, province Bubanza, et âgé de 44 ans. Il s'efforce à connaître et à parler mieux les langues de la région où il est appelé à servir pour le bon accomplissement de sa mission. Il raconte qu'il a appris la langue somalienne sans toutefois utiliser trop d'énergie. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ils estiment que j'ai appris la langue somalienne en classe, mais ce n'est pas le cas. J'ai pris le temps de me familiariser avec des Somaliens, je suivais leur dialogue et j'écrivais les mots qui me semblaient difficiles afin de les apprendre par répétition. Ça ne m'a pas pris trop de temps, j'ai été en mesure de parler le somali dans une période de 3 mois. De par sa connaissance de la langue somalienne, caporal chef Nimugwango rapporte qu'il occupe la fonction d'interprète entre la population locale et les militaires burundais lorsqu'il y a des communications à faire. La principale importance est que je peux aider les Burundais qui ont envie de quelque chose chez les Somaliens ou des patients somaliens qui se font consulter par un Burundais qui ne maîtrise pas le somali. Je traduis du Kirundi en somali et vice-versa. Même son de cloche pour Hussein Mohamed Abdallah, citoyen somalien qui a appris le Kirundi. Parler le Kirundi m'a permis d'avoir beaucoup d'amis. Quand j'ai commencé mon travail, je parlais un peu de Kiswahili et d'anglais. Par après, j'ai appris le Kirundi. Actuellement, je viens de passer plusieurs années avec les Burundais et j'ai de l'emploi grâce à la connaissance du Kirundi. Et caporal chef Ndimugwango et Mohamed Hussein Abdallah estiment qu'ils ne manqueront pas d'emploi suite aux connaissances de ces langues. Grâce à la connaissance de la langue somalienne, je peux être embauché par des compagnies somaliennes ou par l'ambassade du Burundi en Somalie ou l'ambassade de la Somalie au Burundi. Comme vous le voyez, je suis employé par des Burundais. Dans l'avenir, je pourrais travailler dans les ambassades ou exercer un business au Burundi grâce à la connaissance du Kirundi. Ils appellent à tout le monde à ne pas négliger l'apprentissage des langues, affirmant que ces dernières procurent certaines facilités au niveau de l'accomplissement de certaines activités. Omer Ndouayo, de retour de la Somalie. On passe maintenant à la rubrique internationale de ce journal. Actualité internationale. 100 000 doses de vaccins contre la variole du singe sont arrivées en République démocratique du Congo ce jeudi et 100 000 autres sont prévues pour samedi. Le premier lot de vaccins MVA-BN, fabriqué par la société danoise Bavarian Nordic, est arrivé à Kinshasa, la capitale congolaise, jeudi. Les injections ont été transmises par l'Union européenne par l'intermédiaire d'Ohera, l'agence de l'Union pour les urgences sanitaires. Ce convoi intervient 3 semaines après que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les épidémies de variole dans 12 pays africains constituaient une urgence mondiale. Au Rwanda, le verdict est tombé ce jeudi après-midi. Venant Rutunga, ancien directeur d'un institut de recherche, est condamné à 20 ans de prison pour complicité de génocide. Un verdict rendu plus de 3 ans après son extradition des Pays-Bas et 2 ans après l'ouverture de son procès au Rwanda. La chambre spéciale de la Haute Cour pour les crimes internationaux, installée dans le district de Nyanza, a jugé coupable Venant Rutunga de complicité de génocide, notamment pour avoir appelé des gendarmes qui ont commis des massacres dans l'Issar Rubona, un institut de recherche agricole du sud du pays. Enfin, au Kenya, au moins 17 enfants sont morts dans l'incendie de leur internat. Dans le comté de Nyeri, c'est dans le centre du pays, la police a annoncé que l'école primaire Hillside Ndarasha a été prise par les flammes dans la nuit de ce jeudi 5 à vendredi 6 septembre. Le bilan de cette tragédie risque encore de s'alourdir puisque la police n'a pas fini d'explorer les décombres de l'incendie. Une 12aine d'élèves gravement blessés ont été aussi transportés à l'hôpital ce vendredi matin. Et la Croix-Rouge kényane a mis en place dès ce vendredi une cellule psychologique pour accompagner les professeurs et élèves de cette école. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.